le jour reviendra. Il reviendra sans toi. Demain, pourtant, le soleil brillera. Il brillera sans toi. Passera, qui m'éloignera de toi. Demain, pourtant, toi, tu m'oublieras, traçant ton chemin sans moi. Demain, dans le fond, ça vaut mieux pour nous. Je n'étais pas celui qu'il te fallait. Demain, pourtant, la vie continuera. Elle continuera sans moi. Demain, pourtant, le futur viendra, mais le passé